On me dit qu'en amour tout est possible, mais là je vis un amour impossible. Je suis ta confidente, ton bras droit. Je pouvais aimer tout le monde, mais pas toi. J'ai pas su contrôler mes sentiments, où je reste à ma place gentiment. Tu me connais, tu sais que je te respecte, mais quand je suis avec toi, oui je reste bête. Je te regarde, tu me regardes, tu doutes de rien, je le sais bien. Tu me fais sourire, ça me fait souffrir, ça mène à rien, je le sais bien. Je t'aime en silence, il faut que j'y renonce. Mon cœur me relance, je garde tout, c'est ça ma réponse. Je t'aime en silence, mais non, il faut que j'y renonce. Mon cœur me relance, je garde tout, c'est ça ma réponse. Je t'aime en silence, je t'aime en silence. Je t'aime en silence, je t'aime en silence. Quand tu me regardes, je me perds. T'es présent, je me retrouve. Quand tu me conseilles, ça me sert. Quand je suis avec toi, je me découvre. Quand je bloque, je me pose des questions, mais je reste à ma place gentiment. Qui est pour rien, donc je l'accepte, et je ne laisserai rien apparaître. Je te regarde, tu me regardes, tu doutes de rien, je le sais bien. Tu me fais sourire, ça me fait souffrir, ça mène à rien, je le sais bien.